n'avez pas les devant, c'est pas ça, c'est d'accord. Ah bon, bah voilà. Par où là-bas, les herbes. Je crois qu'il y a un bonbon là. Mais non, tu vas te jouer à 30 euros. Tu vas pas en y avoir? Non. Je te prends un bonbon. T'es pas tout ce que tu veux. Il y aura. Oui, mais c'est un bonbon. Il va passer à la télé. Tu le tentes. Et les 20 euros, je vais les prendre. C'est aussi bon ça. 1 euro, s'il vous plaît. Ça monte. Non. Prends ce que tu veux. Attends, j'arrive, je vais finir. Tout est passé déjà. Bon, je prends, hein. Mais là,